Bon. Bah on branche la machine alors. Bah oui. Tac. Hein? Oui. Et c'est branché. Et ça rentre dans le main. Il faut agiter les fallback. Allons-y. Allons-y. Voilà. Les deux sont montés. Le fallback ici est à fond la caisse. Oui. Et si on ne nous entend pas, c'est sans espoir. Ah bah si, c'est parce que voilà. Un module. Voilà. Allô, bonjour. Ouais. Ça marche. Bon. Alors maintenant, j'ouvre la sortie. Ouais. Master out. Ouais. Attention, ça va barder. Ta-ta-ta-ta. Ah, oui. Non, c'est parce que j'ai mis un programme. Ah, bah voilà. Un programme. Bon, alors manuel, ici, ça s'allume sur VCR et prout-prout. Ce qui est ces petits signes, là, on peut dire prout-prout. Ouais, mais c'est, à mon avis, c'est d'abord là qu'il faut les ouvrir. A et B. Ah bah tu vois. Voilà. Alors à ce moment-là, on peut mettre. Oui, mais si je me répète comme ça, c'est vraiment gênant. C'est curieux. C'est curieux. Arrête de déconner. Comment t'as fait ça? J'ai fait ça par chape. Ah bah tu vois ça, ça marche. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Donc. Vachement sensible. Tu te rends compte ce bouton? Femme. Tu te rends compte ce bouton? Les boutons étaient aussi sensibles. Allô? Les boutons étaient aussi sensibles. Il a commencé la sortie. Bon alors quoi ça répète c'est tout. Bon écoute alors D'abord, on t'accoupe le sifflet. Bon. Bien, ça rentre toujours. On voit le petit bouton vert, ça lui... Ça, pour rentrer, ça rentre. Quand même. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas de cigarette. Ah bah ça, j'y suis pour rien. T'en as aucune? Non. Même ici? Et si, j'en ai dans ma poche, mais je suis obligé de me déconnecter. Ah bon. Je te remonte. Non, mais tu m'as laissé. Oui. On voit pas les bruits. Moi j'aime bien les bruits. T'aimes bien les bruits. Ah oui, les bruits de frottement de micro et tout. Ah, ouais. Comment tu l'appellerais ce bouton en français? Cristal. Ah, cristal, c'est joli. Hein. Bonjour. Bon, alors ça, d'accord, j'ai compris. Et j'enlève le cristal. C'est une modulation de l'ordinateur. Oui, monsieur. Est-ce que tu as une idée sur les fonctions différentes de cet abouton? Ah bon? Bon. Alors, 3350 kHz. C'est manifestement un LFO. Qu'est-ce que t'appelles LFO? Low fréquence oscillateur. Ah bah bravo. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est mon micro qui fait ça. Quel bruit? Quel bruit? T'entends ces attaques? Ouais, c'est curieux. C'est marrant. Ouais, il y a une espèce de machin résiduel qui se fait sur des systèmes d'attaque. C'est parce que ça, il y a ici. Le chat. Ça fait un réglage entre le LFO et l'influence du LFO et l'enveloppe du signal que tu envoies par l'enveloppe. Oui, alors, justement, comment est-ce qu'ils agissent ces boutons? Comment ils agissent ces boutons? Comment ils agissent ces boutons? C'est ça. la variation de même dessus. Peut-être que c'est un fou. Un fou. Bah, si tu le fais à la main, j'ai l'impression que là, ça pourrait arriver à supprimer ça. Dire que là, comme ça, t'es dans, disons, le chiffre nominal, 33, alors tu peux aller à la moitié, 15, 7, moins 17, et tu peux aller à 1,5, 52. Là, tu fais varier à la main, ce système-là. Et là... Ben là, je fais à la main aussi. Non, là, ça marche automatiquement, là. Une fois, ces boutons-là, ces deux boutons du haut sont associés. Non, le bout, celui-là, il fait la balance entre ça et ça. Ah, d'accord. Bah, c'est ce que j'ai compris. Ou j'enlève le haut, ou j'enlève le bas. Mais il se passe plus rien. Là. Si on fait pas entendre le son dedans. Là, je suis entré du son dedans. Là, par exemple. Alors, là. C'est-à-dire que ton temps de retard, disons qu'il passe de 400 millisecondes à... Pourquoi je parle ? Il passe de... Ça veut dire qu'on ne peut absolument pas éviter le sweep. C'est ça le sweep. C'est ça l'effet du sweep. Ah bon, d'accord, mais je... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ciao.